Et sur le terrain de la lutte concrète entre la civilisation et ceux qui veulent en sortir, ou le clash qu'il peut y avoir entre des gens comme toi ou d'autres personnes qui ne veulent pas de la civilisation, qui préfèrent défendre la vie sauvage, ce qui en reste et ce qui peut encore en fleurir, où sont les luttes qui sont importantes? Peut-être il y a quelques années, j'aurais répondu que toutes les luttes sont importantes. Maintenant, je pense que les luttes qui sont basées sur l'humanisme, et l'humanisme surtout de cette forme du XXe siècle, c'est l'humanisme européen, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'humanisme avant en Afrique ou là d'où la civilisation vient, mais aujourd'hui, on a affaire avec cet humanisme-là. Et je vois que les révolutions, les attentats pour avoir une révolution vont échouer si on n'adresse pas la première révolution, celle de la création de cet humanisme, de cette humanité comme aliénée de la vie gentille et riche du monde. Alors, si tous ces problèmes, par exemple, si on joint ceux qui sont contre le plan Nord, déjà, il y a plus d'inquiétude pour la biodiversité. Mais la plupart de ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui, des questions des dettes des étudiants, de scolarité des étudiants, si ça continue juste à se demander à moi, je suis un étudiant québécois pauvre qui va être endetté, je ne veux pas que ça augmente, ça ne va pas être assez, même s'ils arrêtent, c'est important de ne pas augmenter, mais je trouve que c'est plus important de mettre en question pas juste le fait qu'on paye pour la scolarité, pourquoi on paye pour le savoir de vie, si cette connaissance qui est donnée à l'université, à des institutions éducationnelles pour nous aider à vivre, pourquoi on doit payer? Puisque tout le monde a le droit, pas le droit, a l'obligation de savoir comment vivre dans son monde. Ok? Alors déjà, ça, on met en question. Et on met en question pourquoi ces institutions existent. Qu'est-ce qu'ils nous font? Comment on nous domestique avec les notes, avec cette scolarité, avec des cours obligatoires? Comment on en sorte que dès le début, les enfants doivent juste être heureux et doivent apprendre à comment être heureux, pas souffrir comme la civilisation nous dit, pas souffrir comme l'école nous enseigne. Il faut souffrir, tu travailles, tu souffres. Parce que dès que tu es né, tu es une ressource pour souffrir. Et on va prendre le maximum de toi. Et puis, comme tu as dit, on te jette parce que tu es trop vieux. On ne s'investit pas plus dans ton bonheur ou ta douleur ou quoi que ce soit. Alors, c'est ça la question. La lutte des étudiants est très importante. Les autres luttent, mais ils ne sont pas assez. Et si ils ne vont pas se poser la question, qu'est-ce que c'est être humain dans son monde, ok? Et dès qu'on confronte cette question, déjà, on va voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se résoudre presque toutes seules. Parce que déjà, juste quand tu poses cette question, tu vas avoir une autre attitude, disposition, pour revenir à Bourdieu, des dispositions par rapport à d'où vient ta nourriture, comment tu vis, d'où vient ta connaissance et c'est quoi cette connaissance? Est-ce que cette connaissance pour vivre, pour tuer, pour exploiter ou pour donner, pour partager ou pour manger? Qu'est-ce que c'est? Ouais, parce que l'éducation est centrée aussi sur l'humanisme. L'humanisme qui est une philosophie qui est centrée autour des besoins de l'être humain, des soi-disant besoins, mm-hmm. et de la maîtrise par les humains du reste de l'environnement, de la vie, pour ses propres soi-disant besoins. Donc, de maîtrise et d'exploitation, et par l'exploitation, de destruction. Une éducation qui reproduit les fonctionnements sociaux que tu as décrits, qui aujourd'hui va produire de nouveaux travailleurs pour faire fonctionner le marché, parce que la façon dont la domestication se vit principalement aujourd'hui, c'est à travers le capitalisme. Absolument. Tout en continuant à vivre les autres systèmes d'oppression comme le patriarcat, la colonisation, etc., etc. Mais le capitalisme tend à vouloir tout dominer aussi. Absolument. Dans l'ordre de ce qui est actuel. Absolument. Et on voit par exemple que même la révolution des casseroles, combien des gens de couleur participent. Quand il y avait les marches centre-ville, j'étais dans un groupe avec des gens de couleur qui s'identifient comme anti-authoritarian. Et avant, j'étais avec des groupes où parfois j'étais la seule femme de couleur. Les questions et les inquiétudes sont complètement différentes. Et les gens qui sont là pour essayer de faire cette révolution, je ne sais pas à quel point, peut-être ils se posent la question, mais ils ne savent même pas comment aller chercher pourquoi vous n'êtes pas. Est-ce que la formulation de nos demandes, pourquoi ça ne résonne pas avec vous? Personne n'a demandé. Et ça ne résonne pas parce que toujours l'inquiétude, les gens de couleur, c'est que est-ce que ces besoins, la formulation de cette question, de cette demande, est-ce qu'il va contre moi ou non? Et comment je vais payer? Si ça ne va pas contre moi, ok, c'est bon. C'était ça la décision. Il y avait comme presque 20 personnes. Et c'était ça. Est-ce que, ok, tout le monde va participer aujourd'hui? Bah oui, on a pensé parce que bah, aujourd'hui, c'est la question, c'est comme ça. Ah, ok, est-ce que ça va contre nous ou non? Oui, bah, on a compris, ce n'est pas vraiment contre nous, mais ce n'est pas vraiment avec nous non plus. Qu'est-ce qu'on va payer si on va être arrêté? Ok? Et cette demande, c'est qu'on se sent colonisé, on va payer plus, et la formulation ne répond pas aux besoins même de l'humanisme, ce n'est pas partagé par tous les humains. Et là, quand on commence à adresser, de sortir hors d'humanisme, là, la majorité des gens, n'importe quelle ethnie ou couleur, ils ont mal à se concevoir comme partie des besoins des autres. Moi, je les appelle humains aussi, humains-animal. Et c'est ça la question. Comment on en sort? Il y a en anglais un séminaire génial par Nikisha Alexis Baker. C'est sur Vimeo. Ça s'appelle Speciesism, Racism and Sexism Intertwined. Des oppressions. Les interconnexions entre le sexisme, le spécisme et le racisme. Le racisme. Ouais. Et elle dit que les deux sont fondés sur le spécisme. Justement, la première séparation, c'est des espèces. On va construire dans notre épistémologie les espèces comme différentes. On va construire une place spéciale pour les humains, et même dans les humains, après l'exploitation d'Afrique, des gens indigènes, on les construit comme espèces différentes. C'est ça le spécisme. Et si on n'adresse pas ce spécisme, ça ne va pas résoudre ni le sexisme, ni le racisme. Alors, peut-être c'est la formulation de cette question est vraiment nécessaire pour que la révolution réussisse, parce que la première révolution, c'était la chute dans l'humanisme, dans le spécisme. Pour en sortir, il faut avoir une autre révolution pour reconstruire cette connaissance de soi. Est-ce que tu pourrais penser à des expériences en ce moment qui se vivent dans le monde qui vont à l'encontre de cette société domestiquée ou de ce monde à raisonner, dominer? Oh oui, il y en a beaucoup. Est-ce que tu as vu le film Another Story of Progress? Pas encore. Pas encore, ok. Lui, dans ce film, il adresse justement toutes ces... Vraiment des... Je ne veux pas dire comme attempt, parce que les gens résistent de plus en plus. Et surtout des groupes qui avant étaient marginalisés, bah, ils ne sont pas des groupes, c'était des tactiques comme ALF, ELF, Animal Liberation Front. And Earth. Earth Liberation Front. Exactly. Le Front de Libération Animale et le Front de Libération de la Terre. Exactement. Avant, c'était des tactiques. Aujourd'hui encore, ils sont construits comme des tactiques terroristes, mais ce sont des tactiques de libération, de résistance. Et maintenant, ils deviennent plus acceptés. Si plus de gens commencent à voir que cette construction d'humanisme nous opprime nous-mêmes, la domestication nous opprime nous-mêmes, c'est pas que, oui, on exploite les domestiqués et on mange quelque chose, mais on est exploité par cette domestication, même étant maître, pas de même façon, bien sûr, à Westmount, c'est pas comme les autres, mais quand même il y a une oppression, quand même il y a un malheur et souffrance. Pour libérer ça, peut-être commencer à déconstruire et avoir des tactiques différentes, que toutes les tactiques sont là, éducation, résistance, parce que dans le film, par exemple, il montre comment en Amazonie, on résiste. Moi, ça fait longtemps que je n'étais pas en Afrique. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Mais je suis sûre qu'il y a aussi des groupes qui commencent à voir que ça ne peut pas aller. Comment ça s'était, comme par exemple l'éducation de ta fille? Oh. Ton rejet toi-même de l'école, dans ta vie, comment ça s'est traduit en fait? Déjà, comme j'ai dit, ma mère surtout, mes parents, ils valorisaient l'éducation, literacy. Ma mère est linguiste, philologue. Mon père était géologue. Ils aimaient lire la philosophie surtout, ma littérature mondiale. Mais ce qui était bien, ils m'imposaient jamais, pendant qu'on était à l'école, ils m'imposaient jamais d'avoir de bonnes notes ou d'avoir de bons rapports. Ma mère toujours disait, personne ne punit mes enfants, c'est juste moi qui ai le droit de les punir. Ça ne veut pas dire qu'on n'était pas punis. Mais elle ne laissait pas les profs ou les enseignants à l'école de nous punir. Et c'était comme une école catholique, des bonnes sœurs de Vatican. C'était vraiment comme... très rigide. C'est ça. Et moi, je faisais comme je voulais. Vraiment. Et aussi, ce n'était pas important, comme j'ai dit, on pouvait laisser l'école. Moi, par exemple, l'école normalement durait 12 ans. Moi, 10e année, je laissais tomber. J'ai fait les examens et j'ai commencé à étudier physique, ingénieur civil, mathématiques, des trucs comme ça, après des arts. Là, là. Alors, pour moi, toujours, c'était, j'étais intéressée par la connaissance, mais les livres, ce n'était pas une obligation d'être endoctrinée. J'avais toujours des dialogues. Je ne me sentais jamais obligée à connaître par cœur. Et ça, je trouve que c'était très important parce que ça m'a donné... Et en plus, le fait qu'on a changé beaucoup... Je suivais ce... L'école était basée sur le programme anglais de Londres, mais c'était dirigé par les bonnes sœurs du Vatican, dans un pays arabe musulman. Alors, j'avais déjà comme... de point de vue, même sur l'histoire, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale. À la maison, j'avais des bouquins soviétiques en russe. Il y avait le point de vue arabe, il y avait le point de vue anglais, et puis le catholique. Et ça m'a montré, par exemple, que même en effet, comme Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a participé, il y avait des points de vue très différents. La même chose, après, j'ai appris que mes mathématiques, ce n'est pas quelque chose de fixe. Ce sont des symboles, des systèmes, des grammaires inventés. Et il y avait d'autres systèmes de pensée à la mathématique, à la calculation et qu'est-ce que ça veut dire. Alors, déjà, peut-être ça m'a donné cette ouverture et l'interdisciplinarité. Parce que j'étais libre de choisir toujours. Quand chaque fois je voulais laisser tomber, j'ai laissé tomber l'ingénieur civil Ma mère m'a dit, pas de problème, tu fais ce que tu veux. Je commençais à être journaliste de guerre dans un pays musulman. Je suis allée dans des conditions vraiment difficiles. J'imagine que ma mère, maintenant que j'ai une fille, j'imagine même pas laisser ma fille aller. J'imagine comment elle ressentait, mais elle était toujours très contente que je suis mes principes et ma curiosité. Et c'est ça, même si je sens que l'école, le fait d'école m'a peut-être donné ces points de vue différents, la majorité de temps, je vois pour les autres surtout, qui étaient domestiqués par leurs parents, demander qu'ils réussissent, qu'ils aient des bonnes notes, c'était une perte du temps. Et si mes parents exigeaient des bonnes notes et de la réussite, peut-être ça ne serait même pas juste perte du temps, ça serait perte de personnalité, de tout ça. Alors, j'ai demandé si j'ai des enfants, ils vont jamais aller à l'école, déjà comme ça fait très longtemps. Et surtout avec mon conjoint, quand on s'est dit, ok, on va avoir un enfant. Je pense qu'il y a trop de monde. Alors, je ne voulais pas avoir beaucoup d'enfants, mais je voulais quand même connaître la maternité. Alors, je me suis dit, ok, un enfant, c'est bien, et cet enfant va jamais être domestiqué à l'école. Et c'était ça, on voyageait beaucoup avec elle, on vivait, on faisait du camping, on faisait d'autostop, on vivait dans les forêts, sur la mer. On a des enfants qui font un groupe en Russie. Des amis, tous leurs enfants, ou la plupart des enfants, sont nés dans la mer Noire. Dans la Dans la mer. Sur la mer. Dans la mer. Dans la mer, en nageant. Il y avait. Mais vous, est-ce que c'est quelque chose que... Ma fille est née au mois de mars. En Russie, il faisait froid. Alors, non. La communauté, ils ont choisi des vies différentes. On a par exemple des amis qui. On a une différence de 9 jours entre nos enfants. Et eux, par exemple, maintenant, ils ont déménagé dans le nord, dans un village comme Lasse Nordland, qui est déménagé au nord de la Finlande pour voir qu'est-ce que c'est la vie sauvage. Cette famille aussi, ils ont déménagé dans le nord de Russie. Et la même chose comme Lasse Nordland, ils ont appris que même tenir un jardin sur le concept agriculturel, ça veut dire que tu tues les mauvaises herbes. Irina, mon amie, elle dit, c'est trop de travail et trop, ça nous domestique nous-mêmes trop. Pour se libérer, ils ont même arrêté à faire ça. Il y a une forêt, ils sont des artistes, ils font de la peinture, le théâtre, ils ont des enfants dans ce village. Il n'y a presque personne. Et Mais je suis curieuse de savoir comment s'est passé votre accouchement. Vous avez parlé qu'il y en a qui pouvaient accoucher vraiment dans la mer Noire. Vous, peut-être que bon, le temps semblait pas favorable à ça, mais est-ce que vous avez suivi le parcours médical traditionnel ou ça, j'aime pas en parler parce que c'était vraiment atroce parce que à mon expérience, parce que moi je voulais accoucher à la maison, mais à l'époque on attendait les visas d'immigration pour Canada, et il fallait qu'on ait tous les certificats et tous les papiers comme dès que la petite est née, et on s'est arrangé avec un hôpital où, dans le contrat, ils nous ont dit, ok, oui, vous allez accoucher sans intervention médicale, quoi que ce soit. Le papa était là et tout ça. Mais il y avait le small print, sauf où le médecin trouve que cette procédure pose danger à l'enfant. Et c'était justement l'Union soviétique a été détruit et beaucoup des médecins ont commencé à recevoir des bourses des compagnies occidentales, allemandes, Nestlé, des trucs comme ça, à subventionner justement pour, comment ça, pour vendre ces produits. Et c'est ça, ils ont intervenu, ils ont dit « Ah non, non, tu ne peux pas allaiter la fille » et tout ça. Alors, le début était... Moi, j'ai dû... Et c'était complètement différent parce que, par exemple, avant, le médecin soviétique disait si tu avais une anémie, il t'aurait dit « Ah, t'inquiète pas, il faut aller ramasser des baies dans la forêt. » Parce que l'anémie, c'est aussi ce manque du bonheur, de vie. Et c'était ça. Même une médecin avec ma fille, il m'a dit ça parce qu'on est végétalien. Mon hémoglobine était bas. Elle a dit non, ben maintenant le printemps, bientôt tu vas aller cueillir dans la forêt les fraises sauvages. Et c'est vrai, tout était réglé. Mais juste pour sortir, j'étais comme prisonnière de ce système capitaliste. Parce que si je n'acceptais pas à acheter des Pampers, finalement, on s'est dit, OK, ils ne me laissaient pas sortir avec la petite. Le Pampers et le Nestlé Milk. Des boîtes. Du lait et du lait maternisé. Exactement. Alors... Finalement, j'ai vu, moi je refusais au début, après je me suis dit, ok, mais je ne vais jamais sortir. J'ai dit, ok, j'ai montré que j'allais allaiter avec la bouteille et tout ça. On a acheté des boîtes, on est sorti, on a tout jeté, on a barricadé. Et d'un autre côté, les médecins étaient vraiment inquiets. Il y avait comme aussi... Une partie, c'est pas juste la prostitution, il y avait aussi l'attachement personnel. Parce qu'ils n'étaient pas payés les salaires, c'était la grande crise. Pendant 7 mois, ils n'étaient pas payés. Ils venaient chez nous malgré qu'on ne voulait pas les laisser. Ah, laissez-nous voir la petite. Ça n'a jamais arrivé que la maman pouvait allaiter après qu'elle a commencé avec la bouteille. J'ai dit, nous, on a jeté les bouteilles. Et c'est juste que je suis restée là, barricadée sans les médecins. Et elle a commencé, je l'ai allaitée jusqu'à 5 ans. Là, finalement, on a réussi. Mais c'était vraiment un cauchemar qui est complètement lié. Et c'était plus visible en Russie parce que c'était une colonisation très noble. C'était presque vulgaire, c'est dans ta tête, ok, tu vas acheter cette boîte ou non, on va pas te faire sortir. Ici, c'est le habitus a déjà un mécanisme, les gens veulent ça, les gens ont peur. Beaucoup de mamans, je dis, ah, je vois une femme enceinte, commence à parler, tout ça. Toujours, j'ai comme un espoir, j'ai dit, j'espère que tu vas allaiter. Ah, je crains maintenant, aujourd'hui, avec l'écologie. Ah non, ça ne pourrait pas être possible. Déjà, elle a cette notion qu'elle va avoir besoin. La même chose avec les couches. En 3 semaines, ma fille j'ai compris les signaux qu'il donnait. Par exemple, pour faire caca, on n'avait pas de couche pour le caca, pour pipi... 4 mois et déjà elle savait, elle avait 1 an et demi, on venait d'émigrer à Montréal, ma soeur est venue avec son copain de Suisse et on était là dans le salon, la petite 1 an et demi, elle voulait participer et pour nous c'était normal, c'est comme la petite faisait ses besoins, qu'elle savait, on s'inquiétait pas pour tout ça. Eux, ils étaient vraiment. On n'a jamais vu un enfant comme ça. Elle voulait pas rater la discussion, alors elle apporte son petit pot, elle se déshabille, elle s'assoit là, elle fait son caca. Après, c'était ça, moi j'ai remarqué parce que ma vie et son conjoint ont remarqué, parce que pour nous c'était normal, elle va avec le potier aux toilettes à un an et demi, elle le vide, elle, et après, maman, douche. Elle dit, oh, comment t'as fait ça? Elle dit, mais c'est normal. Apparemment, non, c'est pas normal. Et des choses comme ça, c'est la confiance et c'est que l'enfant participe dans la vie. On a un monde divers, on a des amis qui voient des choses différemment, ils prennent des choix différents. Elle est là, j'ai jamais dit il faut faire quelque chose comme ça, dans une façon. La seule chose que je disais, et ça, c'est aussi ma mère m'a dit ça quand j'étais petite, c'est qu'est-ce que tu penses si tu, par exemple, elle demande, ah maman, je veux faire ça, quelque chose, telle chose, ok? Et la question, quel effet ça va avoir sur les autres? Comment tu penses les autres vont ressentir? Qu'est-ce que tu penses si quelqu'un a fait à toi? Qu'est-ce que tu penses? C'est tout. Et c'est assez. Pour moi, quand j'étais petite, c'était assez. Juste, il y avait un enfant qui n'avait pas de pigmentation, c'était en Afrique, et il n'avait pas de cheveux du tout. Et tout le monde se moquait de lui. J'ai raconté à ma mère, et ma mère a dit, et comment tu penses que toi, tu auras senti? Moi, je ne moquais pas, c'était juste une question. J'ai remarqué ça, j'étais vraiment impressionnée, et je ne savais pas quoi faire, alors... Je vois maman, j'ai vu ça, ils ont fait ça. Je parlais pas aussi la langue. Peut-être le langage m'a pas domestiqué parce que déjà ma langue maternelle, j'ai appris à parler très tard. Après, quand on est allé en Afrique, je connaissais pas ni l'arabe, ni l'anglais, ni l'italien des bonnes sœurs. Alors pendant quelques années, je restais là, juste comme à regarder, à observer. Et c'est complètement différent parce que tu observes, tu vis avec, tu n'as pas de langage, la grammaire qui structure comment tu dois réagir. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est normal ou non? Alors, il n'y a pas de normal. Et c'est ça, ma mère me dit, comment tu auras pensé? Et ça m'a resté pour toute ma vie. Comment cet enfant a senti? Et je me suis dit, ok, c'est ça, je veux dire à ma fille, c'est le seul critère dans son éducation. Comment le monde sent. Et c'est assez parce qu'après, les enfants apprennent mais incroyablement tout, même la technologie. Mais parce qu'elle est toujours consciente quel effet ça donne, qu'est-ce que ça pour les autres. Ça devient, j'espère, plus viable. C'est juste un exemple parce que bien sûr chacun est différent, mais les choix que j'ai fait par exemple par rapport à ma fille, moi toujours je voulais avoir un enfant, je savais que je voulais pas avoir beaucoup d'enfants, mais un enfant pour je sais pas, un instinct d'amour, un instinct d'avoir quelques continuation, même pas de moi ou de mes idées, mais de nous tous, parce que moi je me sens comme partie de ce monde et je participe à mettre un enfant pour soi-même et pour sa communauté de vie. Alors moi je fais tout dans mes choix, même parfois sont très difficiles parce que c'est très difficile de résister le capitalisme, la civilisation et les pressions sociales, les punitions, même juste économique, mm-hmm. Parfois c'est très, très dur. La pression sociale est aussi très forte quand on se retrouve isolé avec des choix, même si on pense que c'est ceux-là qui sont les meilleurs. C'est ça. Mais quand même, je voulais avoir un enfant pour lui donner ce cadeau d'être sauvage. Pour moi, c'est très important que chacun de nous réapprenne d'être sauvage. Et d'être sauvage, mais c'est ça aussi mes différences avec Zelzan et les autres anarcho-primitivistes, c'est que l'anarchie, c'est déjà, ça demande d'avoir un ordre auquel tu résistes. Et c'est très important d'avoir des anarchistes qui résistent à cet ordre. Le primitivisme, il y a beaucoup de problèmes avec le mot parce que bah déjà, on continue à utiliser un langage avec sa structure raciste, violente, spéciciste, ça veut dire contre d'autres espèces, sexiste et tout. Mais ce mot a beaucoup de préjugés autour de... Je donne un exemple des mamans qui allaitent. Maintenant, c'est très à la mode, mais si tu vois les photos des publicités pour l'allaitement, peut-être 90% sont des blondes avec des enfants avec des yeux bleus, les anges, et sont très bien habillées. Ça veut dire que c'est pas une maman dans la rue et c'est pas une maman comme moi. On peut pas dire si je suis mexicaine ou égyptienne ou d'où elle vient. Pour moi, c'est toujours les primitives. Ils savent pas comment être civilisés. Même les mamans qui allaitent, il y a comme ils ne se rendent pas compte parce que c'est tellement structuré dans le langage de la pensée qu'eux aussi, ils jugent. S'ils vont choisir une publicité, ils vont toujours choisir une femme blanche parce qu'avec la femme noire ou brune, il y a le côté primitif, les sauvages. Ils ne savent pas comment faire. C'est nous autres, nous aussi, on peut allaiter et ça va être beau. Okay? Ce n'est pas dit, mais c'est dans le grammaire de sémiologie de l'image. L'image te dit ça. Les choix qu'on fait pour construire cette image est très consistant avec cette hiérarchie raciste et civilisateur. Ok, ça veut dire qu'on va allaiter un enfant, mais on ne va pas devenir sauvage. On n'est pas sauvage. Nous aussi, civilisés, on peut allaiter. Et il y a toujours cette distinction. Yes. Cette partie-là qui est comme véhiculée de façon quasi subliminale, là, quand mm-hmm. on s'en rend peu compte. Mais il y a aussi toute l'aliénation de tout le processus de la grossesse et même la petite enfance qui est présent pour toutes les femmes, à moins d'avoir choisi là, une façon d'enfanter différente là, que ce qu'on nous offre. Là. C'est ça. Mais avant de venir à ce moment même de grossesse, le moment d'accepter de se déciviliser est très important. Parce que c'est ça, le problème, si on continue à penser que, ok, ça c'est bien pour l'enfant, et même nous les civilisés, on peut le faire, et c'est bien, tu quand même continues à te séparer de la vie sauvage. C'est-à-dire que tu vas continuer à être à domestiquer, à participer dans la domestication. Alors, pour moi, c'est très important, c'est même avant la grossesse, tu deviens conscient de qu'est-ce que c'est être sauvage, de ne pas avoir peur d'être primitif. Et primitif, j'aime pas le mot parce que quand même, il y a le primitif, ça veut dire, par exemple, les anthropologues, ils disent, ok, on n'a pas un jugement de valeur, on aime bien les sociétés primitives. Mais c'est que, par exemple, leurs technologies sont simples. Mais la pensée de technologie simple est déjà constitue un abaissement. Cette société est plus complexe, alors on n'a pas les mêmes... On ne peut pas avoir les mêmes choix que vous, vous êtes primitif, vous êtes plus simple. Alors, vous pouvez vous permettre de blablabla. Mais nous, c'est très complexe. Et il y a, même si tu critiques ça, il y a quand même une fierté qui est liée. Je ne peux pas parce que je suis quand même trop civilisée. Alors, on oublie les mots primitifs, on oublie. On devient sauvage. Ça veut dire que sauvage, tu es dépendant de la communauté de vie. Tu es indépendant de la pensée esclavagiste parce que la technologie est basée sur le besoin d'avoir un esclave. Si tu as une bonne mémoire, tu n'as pas besoin d'avoir un petit machin dans ton ordinateur qui te dit « Ah, ta meilleure amie a son anniversaire aujourd'hui. » Tu vas avoir fêté son anniversaire tous les jours, tu vas te souvenir de ta meilleure amie, tu n'as pas besoin de la technologie. Tu as besoin de la technologie parce que tu ne peux pas souvenir, ça veut dire que tu es dépendante de quelqu'un d'autre qui va faire le travail pour toi. Tu es dépendante sur l'esclavage. La machine, c'est l'esclave parfait qui ne se rebelle pas, à moins qu'il se casse. Et si on se libère de cette pensée esclavagiste, civilisée, domestiquée, et tu vas dire, ok, moi je suis un être sauvage dans une communauté sauvage où je respecte les choix des autres, leur raison d'être, juste pour être pour soi-même, pour leur bonheur, pour être paresseux, pour être heureux, pour faire n'importe quoi. Tu vas les aimer, tu vas les aider et tu vas les respecter. Et c'est mutuel. Si tu entres là, déjà, et tu as un enfant, tu vas l'introduire dans cette communauté sauvage, avec cette pensée sauvage. Alors, ça veut dire que l'idée de, par exemple, quand tu viens de mentionner, même dès le début, tu deviens enceinte, maintenant, c'est aussi l'idée civilisée que si ce sont des ressources à la compagnie qui va les embaucher en futur, la compagnie ou la corporation qu'on a maintenant qui nous garde dans cette boîte de civilisation, elles ont leurs médecins qui vont savoir, ils vont gérer le processus de mettre au monde une nouvelle ressource. Alors, c'est ta ressource, c'est la ressource à l'État, et il y a le médecin qui t'est déjà, si j'aime pas le mot disempowered, parce que le pouvoir, empowerment, c'est aussi tout, des problèmes civilisateurs et domestiqués. On te prend ta raison et la raison d'être de cet enfant. Et votre communication, parce que pendant ta grossesse, tu commences déjà à comprendre cet enfant. L'enfant commence à comprendre la physiologie dans laquelle il est mis au monde. Et quand il est mis au monde, si les singes n'ont pas besoin d'avoir des écoles ou des médecins, pourquoi nous on pense? Si les chiens ou les loups, ils peuvent avoir son médecin et leurs enfants peuvent devenir des loups, des singes ou n'importe qui dans leur vie, pourquoi nous on pense que nos enfants ne sont pas capables d'apprendre de vivre dans ce monde? Et il y a une réponse très simple, c'est parce que les raisons et le monde civilisé qu'on a construit, personne ne veut apprendre et ne peut choisir d'apprendre à vivre dans ce monde. C'est complètement asocial et mortel. Et mortel, exactement. Si tu mets un être humain pour qu'il vit dans une société ou communauté de vie, il va apprendre à vivre. Et si tu le mets, si cet être veut vivre et tu vas le mettre dans un système de mort, de meurtre, il ne va pas apprendre parce qu'il ne veut pas. Alors, la domestication demande que tu apprennes à cet enfant, dès qu'il est petit, à avoir sa place dans ce système meurtrier. Alors, c'est pour ça que ça devient très important que dès le début, il apprenne qu'il ne peut pas vivre sans ce système. Il ne peut pas apprendre sans apprendre ce langage, cette aliénation. Tu vas l'aliéner dès le début, par tous les moyens. Commercial, qu'est-ce qu'il va manger? Il ne va pas même apprendre d'aller aux toilettes, parce que tu vas lui apprendre d'abord de chier sur soi-même, dans ses pampers. Tu vas polluer les océans avec ses pampers, et après tu vas lui dire quand est-ce que tu vas apprendre à aller aux toilettes comme les autres, tandis que toi-même tu lui as appris ça pendant des années. Ouais. Qu'est-ce qu'on... Donc la première partie, c'est d'abord soi, du moins apprendre à redevenir sauvage jusqu'à la certaine limite là, qu'on peut atteindre ici en ce moment. Mais pas à certaines limites, il faut aller devenir sauvage. Tout ce qui te demande la vie sauvage, c'est d'accepter la diversité, d'accepter que les autres existent pour soi-même et pas pour être tes ressources. C'est tout, c'est simple. C'est tout. Et après, tu vas voir que les relations, si tu acceptes que le chat existe pour soi-même, ta plante existe pour soi-même, pas pour te faire plaisir. Okay? Les baies existent pour soi-même. Mais si tu les manges, tu les aides à se reproduire. Parce que bah, maintenant, oui, on fait caca aux toilettes, tu ne vas pas les aider à reproduire. Mais avant, quand il n'y avait pas beaucoup de monde sur la terre, tu vas aller dans la forêt faire ta caca et ça va devenir très beau. Le caca des êtres sauvages, c'est vraiment merveilleux. Il y a toutes sortes de vie qui sortent. Les arbres, les raspberry bushes, toutes les semences que tu aides à reproduire. Ok? Alors, c'est simple. Dès que tu commences à voir le monde comme ça, tes relations vont être mutuelles et viables. Ok? Alors, la vie sauvage, c'est la vie. Et c'est la vie viable, communauté viable. C'est pas quelque chose de très radical, de vraiment. Et c'est ça, par exemple, beaucoup de monde anarcho-primitiviste qui joue. Il y en a ceux qui sont sérieux, ils vont vraiment, ils organisent pour réacquérir des. Comment reconnaître qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qui fait quoi. Il y en a ceux qui sont sérieux, mais il y a ceux qui vraiment jouent. Ah, ok. On va chasser le dernier loup, le dernier, je sais pas, parce que bon, on est. Ils ont leur voiture, ils ont leurs apparts dans la ville. Après, ils vont 2 mois pour chasser les derniers animaux, je sais pas où, en Suède, au Canada, aux États-Unis. Et puis, c'est ça, hein, on est des chasseurs. Après, ils reviennent dans leurs apparts, ils ont leur bouffe et tout ça. Bah, dans ce cas-là, c'est mieux si vous continuez à manger la viande de IGA, pourquoi vous avez tué la petite antilope? C'est comme, parce qu'il ne faut pas redéfinir même, parce que définition, comme Zerzan dit, ça aussi, définition, c'est comme ta limite, tu délimites l'existence, la liberté de l'autre. Okay? Dès que tu commences à définir, alors il faut laisser tomber des définitions. Tu apprends par ton empathie. Et c'est ça, les enfants, ils apprennent comme ça. Ils apprennent par touchant, par regardant. S'ils voient quelqu'un qui pleure, tous les enfants pleurent parce qu'ils ont l'empathie. Ils apprennent l'autre et ils n'ont pas de grammaire. Que la grammaire aussi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ordonne. Si moi, je t'écris un récit sur les Indiens d'Amérique, on a plus besoin d'aller connaître chaque Indien d'Amérique. On a ce récit, on le connaît, ça devient une formule grammaticale avec laquelle on va déplacer l'être humain qui est devant nous. On ressent plus qu'est-ce qu'il ressent parce qu'on a ce récit qui nous permet de faire avec lui tout ce qu'on veut. Et on peut changer les récits comme on veut. Non. Mais tu oublies le récit. Ou même si tu n'oublies pas le récit, tu le loues parce que tu es curieuse. Mais tu vois un être humain devant toi ou un être animal devant toi. Et tu vas chaque fois approcher cette de nouveau, parce que chaque rencontre est une nouvelle rencontre. Tu ne vas pas avoir une grammaire structurée comment approcher cette personne. Parce que chaque rencontre est nouvelle. Tu vas réapprendre à communiquer. Et les enfants, ils font ça. Mais c'est nous, il faut les éduquer dans ce système pour leur donner ces récits, ces structures de pensée et structurer ça dans leur chair, habitus. Ça devient nos réflexes après. Disposition émotionnelle vient de ça. Et si tu laisses l'enfant grandir comme ça, il va expérimenter et il va apprendre à vivre avec les gens. Les gens me disent, ton enfant va pas à l'école, qu'est-ce qu'il va faire quand il va être, comment il va apprendre à même être poli? Mais si les gens autour d'elle sont polis, il va apprendre d'être poli. Si vous n'êtes pas poli, il va pas apprendre d'être poli. Elle va apprendre qu'il y a des gens polis, il y a des gens impolis. Et avec les impolis, il va être impoli. Avec les polis, chaque interaction est différente. Mais si tu mets les enfants dans un immeuble vide, séparé de vie, tu peux leur donner n'importe quoi comme règle. Et ils ne vont même pas avoir cette opportunité ou possibilité de comparer. Après, quand ils sortent, ils ont ces règles, ces grammaires, comment être dans ce monde. et ils ne vont pas être capables de même questionner, parce que c'est complètement normal de lieu de toi voir l'histoire que j'ai lue sur le Québec. Peut-être toi, tu acceptes cette histoire, peut-être non, mais je m'en fous parce que j'ai le récit, je sais tout sur toi et je vais réagir avec toi comme si je réagis de mes propres idées, mes désirs et mes constructions de ta raison d'être. Parfois, quand on va en maternelle ou quand on est tout petit, on voit déjà qu'il y a une différence parmi les enfants, de différentes valeurs selon l'éducation qui est donnée par la famille, mais par après, c'est complètement récupéré par le système d'éducation. Comment qu'on peut réussir tout de même à inculquer les valeurs qu'il faut pour qu'ils puissent au moins garder ce mode de pensée-là sans être complètement récupéré? Parce qu'ici, la possibilité de ne pas envoyer notre enfant à l'école n'est pas tellement permise, là. Mais quand même, il y a beaucoup de monde qui font le choix de résister la scolarisation. Il y a le problème que la plupart, même ceux qui s'identifient avec les anarchistes, quand même, ils ne sont pas allés aussi loin de questionner, par exemple, la civilisation même. Il y a beaucoup, par exemple, d'anarchistes, ils pensent que les technologies vont nous libérer, tandis que la technologie, dès le début, le besoin des technologies est structuré dans notre aliénation et dépendance d'esclavage. Ça veut dire que même théologiquement, la technologie est faite pour continuer à reproduire et être, comme je dis, ressource ou dominant. L'école aussi, il faut comprendre que pourquoi il y a l'école. Ça, dans mon livre, je discute le premier livre qui va apparaître avec Fernwood Publishing en mars 2013, Wild Children, Domesticated Dreams, Civilization and the Birth of Education, la civilisation et la naissance de l'éducation. Ok, là je discute la raison même pour avoir besoin d'avoir une école ou de scolariser tes enfants, et aussi fondée sur l'idée que, pas même l'idée, parce que l'idée c'est bien, c'est observation, que les enfants ne veulent pas apprendre à vivre dans un système meurtrier. Alors, si déjà dès le début t'es pas allé jusqu'au bout dans ta pensée sauvage, et tu vas envoyer ton enfant à l'école, tu l'envoies dans un système qui est fait même... Je sais qu'il y a des profs individuellement, ils aiment ses enfants, ils pensent qu'ils donnent les outils pour vivre, mais ils ne posent pas la question, c'est quels outils, pourquoi vous pensez que c'est vous qui ont besoin de donner ces outils de vivre dans ce système. C'est quoi ce système? C'est quoi ces outils? C'est la même chose comme le langage. C'est un outil de quoi? On nous dit de communication. Est-ce que c'est vrai que c'est un outil de communication? Pourquoi même dans des familles les plus proches, le pourcentage maximum pour compréhension avec le langage, les gens utilisent les mêmes mots et tout ça, compréhension maximum, c'est 80%. Ça, c'est comme si on est jumelles et tout le temps on passe ensemble et on a les mêmes mots et tout, on se comprend à mi-phrase, c'est 80%. C'est-à-dire que le langage a un autre but dont on n'est pas très conscient. C'est quoi? Qu'est-ce que le résultat d'avoir ce langage? Et est-ce qu'on peut... Moi, je suis allée dans des pays où je ne parlais pas le langage. Mes meilleurs souvenirs étaient... Deux fois, une fois au Kenya, une fois au Japon, au nord, à Hokkaido, où on ne parlait pas la même langue, mais on se comprenait beaucoup mieux qu'avec toutes les langues que je connaisse, avec tous les autres êtres humains civilisés. Alors, la raison d'être de l'école est déjà pour domestiquer, pour apprendre à vivre dans ce système. Alors, ce n'est pas important ce que la famille fait, c'est pas important ce que le prof individuel fait, c'est que la formule civilisatrice va être reproduite dans tes enfants. Alors c'est pour cela que je dis, et oui, pour l'État c'est très important d'illégaliser cette rébellion. Mais maintenant, avec tous les problèmes vraiment sociaux aux États-Unis surtout, il y a beaucoup plus de meurtres dans les écoles, plus de violences, de drogues. Et même au Canada, un peu moins, mais par exemple en Alberta, je sais qu'on donne de l'argent aux familles qui font l'école à la maison. Et même unschooling, ça veut dire la différence entre homeschooling et unschooling, c'est que homeschooling, normalement, ils suivent un curriculum très spécifique. Si c'est un groupe religieux ou une famille religieuse dont fait partie dans un groupe religieux, ils vont suivre un curriculum établi avec les idées. Par exemple, ils ne vont pas apprendre Darwin, ils vont apprendre quelque chose d'autre, mais c'est permis par l'État et tout ça. Pour le unschooling, c'est vraiment tu as confiance que ton enfant est un bon être humain. Ton enfant est mis sur terre pour apprendre à vivre sur terre. Et alors, si tu as cette confiance, il va trouver l'information qu'il veut. Il faut laisser le faire comme il veut. Marie Montessori, elle parlait des fenêtres. Elle disait, il y a comme un enfant, normalement, est tellement intéressé par une chose, et pour chacun, c'est individuel. Et il y a comme une fenêtre qui s'ouvre sur, par exemple, il veut savoir tout sur le lapin. Et si tu vas lui dire non, maintenant tu vas faire la mathématique, sa fenêtre pour la mathématique est fermée pour l'instant. Alors, ça va être une perte de temps, ça va être juste comme un malheur pour un enfant qui est forcé de faire mathématiques, tandis qu'il veut savoir tout, comment le lapin vit dans la nature, à la maison, domestiqué, non domestiqué, et tout ça. Et si tu le laisses d'au moins faire ses recherches et tu vas lui aider, après, il va ouvrir sa fenêtre sur autre chose, par exemple mathématiques.